sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Hey, bonsoir, bienvenue à La Dernière Porte à Gauche. C'est Mathieu Plante qui remplace Kiwan cette semaine. Grosse émission aujourd'hui. Kiwan est parti au Francophonie de Montréal pour voir des spectacles, comme on dit. Donc, on va faire un petit bloc dédié au spectacle que Kiwan s'en va voir ce soir au Francophonie à Montréal. Donc, on va terminer ça avec Phono Jaune. On va précéder ça de Dumas. On va commencer avec une pièce de Bonjour Brumaire. Voici Argelès à La Dernière Porte à Gauche. À C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Chaque fois qu'on lève les yeux au ciel, car chaque fois qu'il passe par la fenêtre, c'est un peu grâce à toi, c'est un peu grâce à toi. Oh, La formation Faune Jaune avec Comme une souveraine. À la dernière porte à gauche, Faune Jaune, formation de Québec. myspace.com/faunejaune. Ils sont en spectacle. En fait, le spectacle commençait à 19h selon leur MySpace au Francophonie de Montréal sur la place Loto-Québec. Juste avant, on a entendu Dumas avec sa pièce Au gré des saisons. Et lui, ben, il est en spectacle à 21h ce soir aussi au Francophonie. Et au début du bloc, c'était Bonjour Brumaire qui sont eux à 22h. Donc, dans le fond, les Headliner. C'était avec la pièce Argelès de leur album. Mais De La Nature des Foules, c'est le nom de leur album. C'est vrai. Donc, ça, c'était un bloc sur les spectacles que Key One va voir ce soir au Francophonie de Montréal. Notre prochain bloc débute avec un artiste qui sera en spectacle le 5 août au Quai des Brumes de Montréal. Voici Antoine Corriveau et Entre quatre murs. C'est la dernière porte à gauche. Mais oui. Ensuite, il y aura du Kevin Thompson et du Bungalow. Sourire, les yeux qui l'ouvrent. papillon sur le cœur. Jamais autant de vertige. À la ronde, parler à Dieu vraiment, à des villes à la ronde. La formation montréalaise Bungalow avec la pièce Elixir de leur album Depuis que l'horizon existe, ici à la dernière porte à gauche. Juste avant, en passant, Bungalow, c'est myspace.com/bungalowmusic ou en français musique. Justement, c'était Kevin Thompson, artiste, qui présentait la pièce Une coccinelle dans la bouche. Et on a commencé avec Antoine Corriveau et la pièce titre de son EP Entre quatre murs. Il sera en spectacle le 5 août au Quai des Brumes de Montréal. Dans le prochain bloc, on va commencer avec un album qui sort le 5 août d'un artiste qui présente une pièce qui n'est pas dans leur nouvel album, dans le fond. C'est pas mal ça. Et donc, il va y avoir du Pedro Pedro à la fin du bloc. Il va y avoir les truands juste avant ça. Mais on commence avec ce groupe qui sort un nouvel album le 5 août. Voici Le volume était au maximum avec les Teenage Glucifers. Les Teenage Glucifers, du volume était au maximum. Restez là parce qu'après la pause, dans la dernière porte à gauche, il va y avoir les truands, Pedro Pedro, El Motor et le nom. Oui, c'est la dernière porte à gauche avec Mathieu Plante en remplacement de Kiwan. Ouais. Toi sera Pedro Pedro avec Rap Moi, remake de Rape Me. Petit fait intéressant sur Rape Me, là. C'est une pièce anti-viol. Et puis chez Walmart et Kmart, ils refusaient de mettre le mot Rape Me sur l'album de Nirvana. Et puis ils ont marqué Wave Me à la suggestion de Kurt Cobain. Assez intéressant quand même. Donc Pedro Pedro et ses enfants avec leur album Réapprendre à vivre en chanson et la pièce Rap Moi, traduction littérale. Justement, c'était Les Truands avec Dire Bye. Et on a commencé avec Le Volume était au maximum et la pièce Les Teenage Glucinifères. Le Volume était au maximum qui sort un nouvel album qui s'appelle Les Vacances. C'est en magasin le 5 août. Dans le prochain bloc, il va y avoir du André et du Non. Mais on commence avec un bon vieux classique de El Motor. Voici Alinéa qui sera au Gambrinus d'ailleurs, El Motor, le 5 août aussi. Ça en passe-tu des choses de 5 oui, hein? C'est la dernière porte à gauche au 89.fm. C'est fou, ça! Autant vous dire n'importe quoi que dire ce que vous savez déjà. Autant se faire vider la tête par une épidémie de verre. Vos perroquets le savent. plante que tu m'avais achetée et rendu te dessécher. Il me semble que je suis bien capable de faire sans toi. Je suis même plus capable de me lever. Tu me faisais toujours un café. Je sais que t'es d'or de qualité. We'll be right back. groupe André avec les instants classiques. Ils ont un nouvel album qui sort en octobre qui s'appelle Le Thé et la Justice. Allez voir le myspace.com/ le groupe André. Juste avant, c'était Le Nom avec Jules Garçon, un vieux classique de C'est Fou. Et on a débuté avec un autre classique de C'est Fou, Aïnéa, avec El Motor, qui sera au Gambrinus d'ailleurs le 5 août prochain. Il nous reste un dernier bloc, 15 minutes avant la fin de l'émission. On va entendre Les Amis au Pakistan. On commence avec Dactylo Fidelity. Voici In Situ. C'est la dernière porte à gauche au 89 FM. peu par ci, un peu par là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-là. Pepper Street, peux-tu te pogner à l'eau? Fais pas par pitié, pas que ça tente pas, mais... Très classe, hein? Très, très classe. De la formation Les Amis au Pakistan, c'était Pomme Cigara. Rempli de vulgarité. J'aurais aimé terminer sur cette note-là. Ça aurait été vraiment bien, mais il nous reste du temps pour une autre pièce. Avant ça, c'était Dactylo Fidelity avec In Situ. Et puis, c'est la fin de la dernière porte à gauche. Donc, Iwan sera de retour la semaine prochaine, toujours les vendredis à 20h. On rappelle, les mercredis à 11h, samedi à 16h et lundi à partir de 15h. Moi, Mathieu Plante, qui remplaçait Kiwan, mais je vous retrouve à la connexion au poste d'écoute et au palmarès C'est Fou. Suivez mes aventures trépidantes au www.unechance.com et allez voir le site de C'est Fou au cfou.ca. On se quitte avec une pièce de la formation Robopop, une pièce que j'aime beaucoup, que je choisis, contrairement à toutes les autres pièces que Kiwan avait choisies pour le reste de l'émission. Ça vient de leur album Ratopolis. Voici Robopop Go. C'est les lutins de l'enfer qui nous suivent le vendredi, donc restez là pour ça. Et Kiwan vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Tu passes tes nuits à travailler sur une formule ultra secrète qui fera de toi une vedette. Dans les médias du monde entier, les gens seront tous invités à devant toi se prosterner. Une âme en bloc Lego. sac tout ce qu'il te faut pour tourner tes robots. Maître Taekwondo, une âme en code Lego. C'est tout ce qu'il te faut pour créer une arme nouveau. D'amateur de disco. Thank you.